Yes, I original Vinnie Poco, c'est l'histoire de Judy. C'est vous qui pouvez songer. Oui, vous quittez là. Les Judy t'es allé. Pas te comprendre ça. Merci, merci, bon Dieu. Oh Lord, d'avance, monsieur. Vivez aujourd'hui là. C'est celle qui t'épée. Qui t'épée fait ça. Well, look at that style. Oh, oui, Judy. À présent, il décide de virer. Autant yoka, fêter yoka, communiquer. En cas, penser que tout ça peut continuer. Arrêtez de délirer, faut tout ça vine carré. Ou va dans ma vie, d'aller, minimi, vini, improviser. Carré, carré, oui, bien, I way. Dédé comme minimi, n'est venu, watch a parler. Tout à cela te paraît. Original Mikey. Moi, ce timon là. Fais ça nous tépé. Tout nous fêter ça. Oh oui, Judy. L'éternité.